Le mouvement du 9 août. La croix, semma le premier officier Gautier dans la salle de briefing. Celle-ci comptait une cinquantaine de sièges vides, en demi-cercle, autour d'une console holostratégique. Les halogènes du plafond luisaient faiblement, procurant des airs cadavériques aux hauts gradés de la aube sec. L'homme était probablement dans la cinquantaine. Il avait une carrure solide et cette espèce de lassitude mécanique commune à tous les ex-militaires. De l'autre côté de la console, Amélie avait déjà identifié une demi-douzaine de caméras, ainsi qu'un miroir qui constituait le mur du fond au grand complet. Pas de surprise là. Sur une table de côté, avait été soigneusement étalé un uniforme noir, une armure para-aramide complète et une caisse métallique entr'ouverte. D'un coup d'œil, Amélie avait reconnu le modèle, un fusil d'assaut FM-2000 beige, haut de gamme. Ce n'était pas une arme régulière, ni pour l'armée, ni pour la police. Mais le logo de la Hope Sec luisait sur la crosse, ainsi que sur l'uniforme et l'armure. « Au rapport !» salua Amélie pensivement, incertaine du protocole à suivre. « Commençons !» répondit Gautier en signalant sur la console holostratégique. Une projection tridimensionnelle jaillit aussitôt, illuminant la pièce de reflets glaciaux. Images fixes, vidéos et fiches d'informations se déroulaient simultanément, projetant une multitude de données luminescentes dans la pièce sombre. Un symbole surgit dans le chaos. M9A, avec le A encerclé. « Le mouvement du 9 août », entonna Gautier avec dégoût. « Relativement récent, nous savons encore peu de choses à son sujet. Entre 2 et 4 cellules actives, un manifeste truffé de verbiage anarchiste habituel, un accent contre la civilisation, qu'importe. Le nom n'est pas plus éclairant, la date pourrait faire référence à de l'histoire ancienne. Des jeunes jouent au dé dans le ghetto, une patrouille débarque, tire dans le tas, reçoit une promotion. Vous connaissez la routine. » Avant qu'Amélie puisse réagir, l'holo-projection se transmua en couverture satellite haute résolution, vision de nuit. Un zoom en plongée montra la sortie d'une banque Transop, une division de l'Empire William Saint-Onge. Des civils couraient dans tous les sens, succédés de 3 silhouettes noires en paletot, sacs de sport en bandoulière, brandissant des armes automatiques. Alors que des flammes aveuglantes surgissaient des fenêtres de la banque, l'image s'immobilisa. Les biométriques s'attaquèrent à un des malfaiteurs, la couleur de ses yeux, sa carrure, les traits de son visage à travers la cagoule qu'il portait, alternant entre la vision de nuit et l'infrarouge. « Il y a 44 heures exactement !» précisa Gautier. Sur une commande du premier officier, l'holoprojection fit place à un paysage tout autre. Une scène d'automne, une rivière grisâtre bordant un muret de béton graffité. Un homme était assis sur le rebord, le visage à moitié caché par son capuchon. Il avait l'air si triste. Gaspard Delisle, alias Twin, alias Hans. Polymathe. Autodidacte avec des connaissances étendues en biologie, chimie, mécanique. Un fantôme pour tout ce que nous en savons. Nous l'avons associé à une poignée de soulèvements de Gatineau jusqu'à Carleton, puis avons perdu sa trace en 45. Probablement leur leader. Les anarchistes ont-ils vraiment des leaders? S'interroge Amélie, n'osant pas digresser. « Quelles sont vos attentes exactement ?» demanda-t-elle toutefois, ne sachant pas quoi faire avec toute cette information. « C'est simple, » répondit le premier officier. « Après le fiasco de Griffintown, vous êtes apparue comme une héroïne, le visage même de l'ordre et de la loi. Forte, courageuse, photogénique. La Hope Sec a signé un contrat pour la Sûreté nationale afin de chasser la vermine. En d'autres mots, réussir là où vos anciens collègues ont échoué. » C'est à nous de gratter les bas-fonds, faire la job sale, démanteler le M9A avant qu'il devienne un réel phénomène. Sans s'en rendre compte, Amélie dévisageait le premier officier, mâchant les mots visage et photogénique. Pour des gens comme vous et moi, ajouta Gauthier, tout se joue sur le terrain. J'ai lu votre dossier, Lacroix, je sais ce que vous avez vécu. Mais cette guerre-là, elle se gagnera pas juste par le bout des canons. Vous comprenez? Même dans le secteur privé, la OBSEC a déjà plus de bottes sur le pavé que le SOM. On est mieux équipé, mieux entraîné et sans ficelle. Or, c'est pas la force brutale qui nous manque, c'est l'image. Le premier officier Gauthier s'interrompit une seconde avant de continuer, le dédain lui tordant le visage. Le M9A, précise-t-il, c'est une infection. Croyez-le ou non, ils ont la sympathie de la population. Difficile de faire parler qui que ce soit. Pour s'en débarrasser, il faut une victoire politique, médiatique, une victoire publique. En d'autres mots, ce dont on a besoin, Lacroix, c'est d'une championne. Les actionnaires croient plus aux communiqués de presse, aux porte-paroles qui restent cachés derrière leur bureau. Ils veulent un visage familier qui prend les armes contre les anarchistes. Une journée, vous serez devant les caméras. L'autre, vous serez dans la rue avec nos meilleures agences sous vos commandes. Des ressources illimitées. Vous comprenez? Ça sera pas de la tarte. Mais faites votre travail, officier Lacroix. Le titre résonna dans les oreilles d'Amélie. Officière. Faites ce que vous avez à faire, insista Gauthier, et votre avenir est assuré. Vous accumulerez les promotions plus vite que vous pourrez les compter, et avec les bonus. Plus d'argent que vous pouvez en dépenser. Le regard d'Amélie se posa sur le FM 2000 sur la table, son nouvel uniforme et le regard mélancolique de Hans dans le lot projection. Son pouls s'accéléra. Est-ce que je pourrais, osa-t-elle difficilement, pleine d'espoir. Est-ce que je pourrais emménager ici, à l'archéologie? Le premier officier Gauthier lui sourit. Détruisez le M9A, confirma-t-il. Coffrez ces terroristes, brûlez tous les drapeaux noirs jusqu'au dernier, et vous pourrez faire vos valises.